Unité 4. Page d'ouverture. Page 73. Activité 2 et 3. Piste 60. Alice, quelle est ton activité préférée pendant la semaine ? Le sport, bien sûr. Et les cours ? Oui, j'aime surtout le cours de français.